L'alcool est le chemin le plus court vers l'adultère. Honnêtement, puissant chien sur une meuf plus âgée qu'il avait déjà fait. Donc j'ai fait semblant de l'avoir fait pour faire le grand. Pourtant j'étais petit. Après j'ai compris que quand je serai grand, je regretterai tout ce qui s'est passé. Car finalement, j'ai passé ma vie à vivre à peine de joie mais plutôt de peine. Je crois que le temps passe vite, mais qu'on n'oublie rien de ce qu'on a raté. La vie ne fait que 60 années. Pour profiter, il faut pécher. Donc on hésite et on se fait chier. Donc on médite. Donc on s'évite pour se retrouver. Après faut juste laisser aller. Pourtant la mort s'est fait toute belle. Pour un cas d'un mariage forcé. Cherche aucun nom, sans la sonnette. Appuie sur le bouton à l'aveuglette. J'ai profité, quitte à pécher. Car la vie ne fait que 60 années. C'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. Je viens de la rue, de la belle étoile. Pour vivre dans la baie, hôtel 5 étoiles. Des fois je regrette, quand j'y repense. Je fumais mon pitch, ma cordonne me manque. Le futur existe que parce qu'on y croit. Si demain s'arrête, je te connaîtrai mieux. Je parlerai de moi, comme si c'était toi. Je parlerai de nous, comme si c'était eux. Pendant qu'on se rapproche, qu'on se refoulait. Ou de faire semblant d'à nouveau s'aimer. L'amour si vieille, se fait rebelle. Comme un standard, note improvisée. Cherche le garçon, sans la trompette. Appuie sur le piston, à la